La canne de Monsieur de Balzac par Madame Émile de Girardin, quatrième partie. Chapitre 13. Sans le savoir, le cabinet de Monsieur Télissier avait une porte qui donnait sur la salle à manger, et comme Monsieur Télissier habitait le centre de Paris, le quartier des affaires où les maisons sont serrées l'une contre l'autre pour empêcher le jour et l'air d'y pénétrer, la salle à manger de M. Télissier était parfaitement obscure à midi. Elle n'avait qu'une seule fenêtre posée de travers, et donnant sur un beau mur troué çà et là de petites lucarnes, jour de souffrance s'il en fut. Il arriva qu'un gros monsieur, après une longue conférence, sortit de chez M. Télissier, et s'en vint dans cette salle à manger ténébreuse, reprendre sa canne à parapluie dans le coin où il l'avait laissé. Comme il n'y voyait point qu'il agissait à tâtons, il se trompa et prit la canne de M. de Balzac pour la sienne. Et comme il ne pleuvait pas, il fut quelque temps avant de s'apercevoir de sa méprise. Ce gros monsieur, par une de ces fatalités dont la vie est semée, s'était foulé le poignet droit quelques jours auparavant. Vous devinez, et il avait le bras en écharpe, le bras droit. Devinez-vous ? Il prit donc la canne merveilleuse de la main gauche, et s'en alla, tranquillement, sans que personne le vît, invisible sans le savoir. Il se promena quelques moments sur les boulevards avec assez d'agrément. Tant qu'il marcha, tout alla bien. Il évitait de lui-même les gens qui venaient à lui. Il cheminait sans obstacle, mais la curiosité le fit s'arrêter devant les affiches de spectacle. Il les parcourut avec attention, le vaudeville, le gymnase, la porte Saint-Martin. Il voulait tout lire, pour mieux choisir ses plaisirs de la soirée. Il en était au cirque olympique, et lisait cette affiche remarquable. « Ascension, contre nature, de la jument nommée Blanche. » Lorsqu'un jeune homme très pressé rasa le trottoir d'un pas rapide et vint se briser avec violence contre le roc immobile et curieux qui lui barrait le chemin. L'homme curieux reçut un coup terrible. « Prenez donc garde, monsieur » cria-t-il. « Je ne suis pas un citron imperceptible. Vous pouviez me voir. » Le jeune homme n'avait qu'une idée, éviter toute querelle qui le retarderait. Et comme il ne regardait rien, tant il était préoccupé, il ne s'aperçut pas qu'il n'avait rien vu. Le merveilleux fut perdu pour celui-là. Il lui passait devant les yeux tant de choses. Il comptait si bien sur ses distractions que rien, dans cette circonstance, ne lui sembla extraordinaire. On est toujours invisible pour les esprits absorbés. Le gros monsieur se rangea de côté de manière à ne plus fermer le passage. Il reçut plusieurs coups de coude pendant un quart d'heure. Il les attribua au peu d'étendue du trottoir et continua sa route en faisant mille réflexions raisonnables sur cette manie d'imitation qui nous fait établir des trottoirs à Paris dans des rues très étroites, parce qu'il y en a à Londres dans des rues très larges. « À la bonne heure, » pensa-t-il en rejoignant les boulevards, « on peut marcher à l'aise ici. » Au même instant, un commissionnaire qui portait sur ses épaules un grand cheval de bois, le roi des joujoux, invention sublime, première émotion de l'enfance, sortit, non sans peine, du fameux magasin de Tempier. Il hésita un moment avant de s'embarquer sur le boulevard. Puis, voyant un espace vide, il s'avança hardiment. On eût dit que ce cheval de bois qu'il soutenait dans les airs était celui du siège de Troie. Le gros monsieur flânait délicieusement sans savoir que derrière lui, la machine des Grecs le menaçait. En passant devant l'horloge des bains chinois, le commissionnaire s'aperçut qu'il était en retard. Il doubla le pas. Alors un choc terrible vint ébranler toutes les pensées du badaud épouvanté. C'est un grand malheur d'être invisible sans être insensible en même temps. Et cela est bien commun dans ce monde. Il arrive souvent à des gens qui ne font nulle attention à nous de dire mille choses qui nous déchirent le cœur. Le gros monsieur, ayant reçu un coup violent dans la tête, se retourne furieux. « Monsieur !» dit-il avec indignation. Et il se trouve nez à nez avec une grande tête de cheval en bois qui le regarde fixement. Voyant qu'il ne pouvait y avoir eu dans cette attaque intention de l'offenser, il s'en prit au commissionnaire. « Maladroit ! » s'écria-t-il, « ne me voyais-tu pas ? Et comme je le disais tout à l'heure, suis-je donc un citron imperceptible que tu n'aies pu m'éviter ?» Le commissionnaire, qui ne voyait personne, ne savait à qui ces paroles s'adressaient. Il continua sa route sans même se retourner, car le cheval ne le lui permettait pas. Le gros monsieur se frotta la tête, ramassa son chapeau et traversa le boulevard. L'autre côté est plus tranquille, se dit-il. Et il s'avança vers le café de Paris. En effet, peu de personnes se promenaient sur ce boulevard. Ce n'était pas encore la saison où il est impraticable. Quelques femmes, çà et là, allaient regarder les étoffes étalées aux Chinois et aux Sauvages, étudier les bijoux nouveaux chez Boulet. Deux ou trois députés, arrêtés par une rencontre, échangeaient quelques nouvelles. Du reste, ce boulevard était presque désert. Le gros monsieur s'y pavanait, mais tout à coup sortit de la rue du Helder, une petite blanchisseuse, tortue et boiteuse, portant un énorme panier pendu à son bras et traînant d'un pas indécis elle et sa charge péniblement. Le monsieur la vit venir à lui. « C'est pitié, pensa-t-il, que de charger ainsi de ce fardeau cette chétive créature. » Et il se détourna pour lui laisser plus d'espace. Mais la petite blanchisseuse, vacillant dans sa marche, fatiguée de son fardeau, le changea de bras, et entraînée par sa pesanteur, s'en alla tomber par un détour sur le prudent promeneur. En frôlant avec son panier, de toute la force de sa faiblesse, les jambes du monsieur, qui poussa un cri de surprise et de fureur. « Prenez donc garde, mademoiselle, ne pouvez-vous m'éviter ? En vérité, vous me feriez croire que je suis un ciron imperceptible. » « Ce panier est trop lourd, » dit la petite blanchisseuse, sans voir le monsieur, et elle continua son chemin. « Je ne suis pas chanceux aujourd'hui, » pensa l'homme invisible. « L'un me heurte au milieu du corps, l'autre me fend la tête, celle-ci me prend aux jambes. En vérité, j'ai du malheur. Aussi, quand on n'a pas l'usage de ses deux bras, on est tout désorganisé. » Il prit la rue du Helder, qu'il continua jusqu'à la rue des Trois Frères. Arrivé là, il entendit une fenêtre s'ouvrir au-dessus de sa tête. Une jeune femme s'avança sur la balustrade, tenant à la main un vase de fleurs. C'étaient des fleurs d'automne, des roses du Bengale, des reines marguerites, des chrysanthémums pourpres et blancs. Ces fleurs n'étaient plus fraîches, on allait les renouveler. La jeune femme regarda de tous côtés. « Personne, » dit-elle, « personne. » Et le monsieur invisible était sous la fenêtre. Personne. Et puis elle jeta les fleurs dans la rue. Le monsieur reçut toutes les fleurs et l'eau des fleurs, au verdâtre et fétide, qui ne pardonne pas aux habits, et qui teignit avec une promptitude surprenante le gilet blanc du gros monsieur. Sa colère, elle est impossible à décrire. Sa figure, elle était risible. Heureusement, on ne la voyait pas. Des larmes vertes coulaient sur ses joues. Des marguerites séparées du bouquet dans leur chute s'étaient arrêtées sur le bord de son chapeau et lui donnaient l'air d'un berger. Des chrysanthémums étaient restés sur ses larges épaules. Des roses s'étaient fixées par leurs épines sur ses bras, dans ses favoris, derrière le collet de son habit. C'était comme un buisson de fleurs, malheureusement de vieilles fleurs. Honteux, furieux, il secoua tous ses bouquets, et ne pouvant se montrer nulle part en cet état, il retourna chez lui, où personne ne l'attendait. C'était un dimanche, ce jour-là. Il avait coutume d'aller dîner chez un de ses amis. On était joyeux au logis. Le maître ne devait pas rentrer de toute la soirée. La cuisinière, qui était fort jolie, la cuisinière d'un vieux garçon est toujours jolie, devait aller au spectacle. Elle était belle et parée, et ne voyant pas revenir le domestique, son confrère, qui devait lui donner le bras pour la conduire à la gaieté, elle était montée dans l'appartement pour savoir ce qui regardait son chevalier. Celui-ci était occupé à choisir le gilet qu'il comptait emprunter tacitement à son maître pour ce jour-là. Le choix fait, elle l'aidait à le rétrécir, et on s'amusait, on plaisantait, on cherchait à remplir l'espace qui existait entre le dode et l'étoffe, vu la différence qui existait entre la taille du maître et celle du valet. Le frontin avait pris deux coussins. L'un figurait le dos de monsieur, et l'autre sa poitrine. Et puis frontin singeait son maître, et ce qui était plus mal, se plaisait à le contrefaire. « Mets donc l'habit de monsieur, dit la cuisinière, tiens, comme ça, on croirait que c'est lui. Oh, que t'es laid, marche donc. Oh, que c'est bien ça. Le nez en l'air, oh, c'est ça, tu as l'air bête comme lui. » Or, monsieur était là depuis un quart d'heure, immobile, stupéfait et invisible. Enfin, il retrouva la voix. « Joseph !» s'écria-t-il. La rieuse cuisinière, ne voyant personne, s'imagina que Joseph, pour compléter la ressemblance, imitait aussi la voix de son maître. « C'est bien comme cela qu'il t'appelle, dit-elle. C'est bien comme lui. »« Rosalie !» cria de nouveau le maître, de plus en plus irrité. Et Rosalie, ne voyant personne et poursuivant son idée, répondait « C'est cela, je crois l'entendre. Quoi ?» Enfin, le maître hors de lui jeta par terre la canne qui le rendait invisible et s'en vint saisir au collet son insolent valet de chambre avec la seule main qui fut capable d'exprimer sa colère. « Monsieur !» s'écrie la cuisinière anéantie. « Monsieur !» dit le frontin désarmé. « Je vous chasse tous deux, mais monsieur, je vous chasse, entendez-vous ? Silence, donnez-moi ce qu'il me faut pour m'habiller. Demain, vous sortirez d'ici tous les deux. » Il s'habilla. Le valet, voyant la verdure qui recouvrait les vêtements de son maître, ne put s'empêcher de dire « Où donc monsieur a-t-il été ? Qu'est-il arrivé à monsieur ?» Le maître ne répondit point. Il ne dit que ces mots en partant. « Vous reporterez ce soir cette canne chez monsieur Télissier, et vous demanderez mon parapluie que j'y ai laissé. » « Oui, monsieur, et la canne resta demain, aux mains d'un domestique renvoyé. » Chapitre XIV. Nouveau péril. Aussi courut-elle plus d'un danger. Rosalie, trop affligée pour aller au spectacle, rendit à Joseph sa liberté. Joseph se prépara tristement à reporter la canne chez monsieur Télissier. Mais, chemin faisant, il rencontre un ami. On cause. Joseph confesse que son maître l'a renvoyé. L'ami s'étonne. Il connaît une place vacante. On lui a demandé quelqu'un. Il propose d'entrer chez un marchand de vin pour causer de l'affaire plus à l'aise. Joseph accepte. On boit beaucoup. D'autres personnes viennent chez le même marchand de vin. Un plaisant désire la place de ces messieurs. La plaisanterie est mal prise. Joseph est querelleur. Il menace, il fait valoir la canne. On méprise la canne. La canne s'indigne, elle agit. Injure, coup de pied, coup de poing, coup de canne. Les combattants se poursuivent dans leur... La querelle s'échauffe à tel point qu'on sent le besoin d'un commissaire de police. On court chercher le commissaire. Pendant ce temps, les deux champions se disputent la canne, l'un pour la garder, l'autre pour la reprendre. Elle donne trop d'avantages à son ennemi. Bref, dans la lutte, tous deux la tiennent de la main gauche. Le commissaire arrive. Où sont-ils? Plus de combattants? Vous m'aviez dit que les deux hommes se battaient. Je ne les vois pas, dit monsieur le commissaire. Ah, je les entends, reprend la servante. Ils sont sans doute dans l'autre rue. Oh, mystère, on entend des injures épouvantables, on ne voit personne. Personne que des témoins hébétés qui regardent sans rien comprendre. Enfin, les deux ennemis, épuisés de fureur, lâchent la canne tous deux en même temps et viennent tomber aux pieds de monsieur le commissaire, que leur chute fait reculer d'un pas. La canne est tombée avec eux. Monsieur le commissaire, d'un air très majestueux, la ramasse. Comme il a besoin de toute son éloquence et qu'il parle plus facilement de la main droite, il prend la canne de la main gauche. Plus de commissaire. Éclipse totale d'un commissaire de police. Ah, dit le marchand de vin aux deux querelleurs. Monsieur le commissaire est là qui va vous mettre à la raison. Eh bien, où est-il donc, monsieur le commissaire? Il était là il n'y a qu'un instant. Je l'entends qui parle, dit quelqu'un. En effet, monsieur le commissaire, quoique invisible, n'en était pas moins conciliant. Son discours pacifiant allait toujours son petit train. Son attitude était très noble, son air très calme. Malheureusement, ce beau maintien était perdu. Enfin, Joseph, revenu à lui-même, demande sa canne. Il crie qu'on lui a volé sa canne, et monsieur le commissaire, pour la lui rendre, avec plus de dignité, la fait passer dans sa main droite. Monsieur le commissaire reparaît. Comme il y avait de chaque côté deux cabarets, deux portes qui donnaient sur deux rues différentes, ces disparitions merveilleuses furent expliquées, et la querelle terminée. On ne s'en inquiéta plus. Monsieur le commissaire fit une allocution pleine de sagesse aux deux ennemis qui s'humilièrent. Joseph se hâta de reporter la canne chez Madame Télissier, qui s'empressa elle-même de la renvoyer à Monsieur Dorimont, sans se douter, la pauvre femme, des tourments qu'elle lui préparait. Que ceux qui ont retrouvé un amour qu'ils croyaient perdu, qui ont sauvé un ami en danger, qui ont obtenu la grâce d'un condamné, qui ont vu guérir un malade, qui ont refait leur fortune, se figurent ce qu'éprouva Tancrède en retrouvant son trésor égaré. Pour nous, nous reconnaissons l'impossibilité de le décrire. Chapitre 15. Séduction. Une fois rentré en possession de son trésor, Tancrède ne songea plus qu'à ses amours, et la canne lui fut très utile pour continuer ses assiduités. Tancrède allait presque tous les jours chez Madame Télissier, mais il se rendait chez elle si adroitement qu'il ne pouvait la compromettre. Sitôt qu'il arrivait dans la rue de Gaillon, il passait la canne dans sa main gauche et devenait invisible. Il entrait ainsi dans la maison à l'insu du portier. Il montait l'escalier, il sonnait, on faisait attendre un instant. Puis le domestique venait ensuite ouvrir la porte. Ne voyant personne, il s'avançait vers l'escalier pour savoir qui avait sonné, et s'écriait « On est parti !» Pendant ce temps, M. Dorimont entrait chez Malvina. « J'ai trouvé la porte ouverte, disait-il. Ce sont mes enfants qui l'ont laissée ouverte, sans doute. Pauline ne sait pas encore la fermer. » Et le merveilleux s'expliquait toujours. Tancrède restait avec Malvina tant qu'elle était seule. S'il entendait venir quelqu'un, il se levait et s'en allait bien vite, en repassant la canne dans sa main gauche. De sorte que jamais on ne le voyait chez Madame Télissier, ou du moins rarement, et pourtant il y venait tous les jours. Malvina ne se doutait de rien, et comme elle évitait de prononcer le nom de M. Dorimont, parce que ce nom la faisait rougir, elle ne s'apercevait pas qu'on ne parlait jamais de lui. Elle croyait que ce silence venait d'elle, et elle ne songeait pas à s'en étonner. Tancrède était heureux. Il était aimé, on ne le lui cachait pas. Mais il y avait encore loin de l'aveu chaste qu'il avait obtenu, au bonheur cruel qu'il ambitionnait. Et cette petite femme-là, qui paraît si naïve, pensait-il, sera très difficile à entraîner. Il avait raison. De nos jours, il n'y a que la candeur qui soit farouche. Cette situation est insupportable, se dit-il un jour. Je ne puis pas vivre plus longtemps dans cette incertitude. Et d'ailleurs, ma canne, il faut bien l'employer. Il réfléchit beaucoup, et il alla voir une seconde fois Robert le Diable pour s'inspirer. Madame Damoreau était encore à l'opéra, à cette époque. elle chanta d'une manière si admirable l'air du quatrième acte, « Grâce, grâce pour toi-même, et grâce pour moi !» Elle était si jolie à genoux que Tancrède fut électrisé. Il ne comprit rien à la générosité de Robert. La musique est si belle qu'elle produit précisément l'effet contraire à celui qu'elle doit produire dans l'ouvrage. C'est là le mérite. Tancrède sortit de l'opéra passionnément impitoyable, et il se dirigea vers la demeure de Malvina, armée de sa canne diabolique. Et la pauvre Malvina, à ce pouvoir magique, à ce prestige, n'avait rien à opposer, ni talisman, ni chaperon, pas même ce redoutable défenseur des jeunes femmes, cette égide qui les préserve souvent dans de bien grands périls, la présence de ses enfants. Car le protecteur naturel des femmes est moins un vieux père, un grand frère, qu'un tout petit enfant. Et Malvina, par un hasard fatal, n'avait près d'elle ni ses fils ni sa fille ce soir-là. Depuis 2 jours, elle les avait confiés à leur grand-mère, par crainte de la rougeole qui était dans sa maison. C'était un soin prudent, mais, hélas, cela porte toujours malheur à une jeune mère de quitter ses enfants. Il était minuit. Chapitre 16. Grâce, grâce pour toi-même, et grâce pour moi. Quoi, monsieur, vous ici, à cette heure? Mais c'est affreux, Malvina. C'est infâme. Est-ce à moi que vous devez parler ainsi, Malvina? Je croyais que vous m'aimiez. Oui, je croyais. Mais comment êtes-vous ici? Qui vous a fait entrer? Si Joséphine était capable... Ne l'accusez pas, ce n'est pas elle. Je la chasserai. De grâce, calmez-vous, personne ne m'a vu venir. 1 heure du matin, venir chez une femme qui ne vous a jamais donné le droit d'agir ainsi, chez une femme qui vous aimait, qui aurait sacrifié sa vie pour vous, qui avait confiance en vous. Ah, c'est horrible! Rassurez-vous, madame, je vous aime, vous êtes libre auprès de moi, je ne voulais que votre amour, mon seul tort, est d'y avoir cru. Qui vous a fait entrer ici? Expliquez-moi ce mystère. François vous est-il vendu? Je n'ai séduit aucun de vos domestiques, madame. Et si ma présence vous irrite à ce point, je puis m'éloigner sans qu'aux yeux de personne vous soyez compromise. Je ne vous comprends pas, c'est à devenir folle. Dites, par où êtes-vous venue? Par la fenêtre, répondit Tancrède audacieusement. Ah, mon Dieu! S'écria-t-elle. Il pouvait se tuer. Et Tancrède improvisa ce mensonge. J'étais chez un jeune peintre de mes amis, qui demeure près de vous. Les fenêtres de son atelier donnent sur votre cour. Je l'ai quitté ce soir, à l'heure ordinaire. Mais au lieu de sortir par la porte, je suis monté par la terrasse. De là, sur les toits, et j'ai pu pénétrer dans cette maison par la fenêtre du grenier qu'on a laissée ouverte. Ce récit était absurde, et par cela même, il fit bon effet. L'extravagant et le probable, en amour. Malvina fut si épouvantée du danger que Tancrède avait couru pour elle, qu'elle lui pardonna sa témérité. « Mon Dieu, dit-elle, quelle folie! Cette maison est si haute !» Tancrède, voyant le cœur de la femme reparaître, éprouva quelque honte d'avoir par un mensonge usurpé cette pitié. Il perdit de son audace. « Puisque mon imprudence vous offense, dit-il, je vais vous quitter. Mais avant de me renvoyer si cruellement, Malvina, pardonnez-moi, vous ne pouvez partir. Redescendre de cette terrasse serait plus difficile que d'y monter. » Il faut attendre, attendre qu'il fasse jour, pour qu'on me voie. Non, il faut vous cacher. Où me cacher? Elle réfléchit un moment, puis elle reprit. Dans la lingerie, oui, personne n'y viendra, vous y resterez jusqu'au matin. Et puis quand tout le monde sera levé dans la maison, à l'heure enfin où vous pourriez vous montrer convenablement, vous partirez. Non, j'aime mieux vous quitter. Je me repens déjà d'être venu. Dit-il avec tristesse. Que vous êtes méchant, Il voulut s'éloigner. Elle frémit. « Attendez un moment encore, dit-elle. Peut-être y a-t-il un autre moyen. » « Si c'est pour m'épargner un danger que vous me retenez, madame. Rassurez-vous, je n'ai rien à craindre. »« Vous ne pouvez repartir par cette terrasse, je ne le veux pas. » « Ah, c'est juste, reprit-il avec amertume. Si l'on trouvait un homme tombé d'une fenêtre de votre maison, cela pourrait vous compromettre. » Elle fut si blessée de cette idée qu'elle n'y répondit point. Elle était agitée, elle tremblait. Enfin, elle prit un parti. « Restez, monsieur, dit-elle froidement. » Puis elle s'approcha de la cheminée, ranima le feu, alluma d'autres bougies, ferma les rideaux de son lit, et s'étant enveloppée d'un grand châle, vint s'asseoir dans un fauteuil, en faisant signe à son hôte, importun, de prendre une chaise en face d'elle. Tancrède s'établit alors comme une visite, elle comme une voyageuse résignée à passer la nuit dans le salon d'une auberge dont toutes les chambres sont occupées. Tancrède la regardait en silence, tant de calme et de fermeté le révoltaient. « Elle ne m'aimait point, pensait-il, je m'étais trompé. » Cette pensée le faisait souffrir, il voulut s'en venger. Il affecta une grande indifférence et joua le rôle d'un homme subitement guéri de son amour. Il sentait sa situation ridicule. Malvina avait sur lui trop d'avantages par sa froideur et sa dignité. Il voulut la déconcerter en détruisant ce prestige, en ôtant à cette scène toute la solennité que le maintien grave de Madame Télissier lui donnait. Alors il prit la parole comme s'il causait dans un salon, et dit d'un air parfaitement sérieux. « Vous savez, madame, que Monsieur Guizot a offert sa démission ?» Malvina, qui ne s'attendait nullement à Monsieur Guizot à cette heure, ne put s'empêcher de sourire. « Il est un peu tard pour parler politique, dit-elle. « Oh, je n'y tiens pas. » Il se tut encore quelques instants, puis il reprit avec le même aplomb. « Scribe se met, dit-on, sur les rangs, pour être de l'académie. On croit qu'il sera nommé. » Elle sourit encore, malgré elle. « Quelle manie de conversation avez-vous donc ? » dit-elle. « Quoi, vous voulez que je reste sans me dire, sans dormir, sans aimer, depuis 2 heures du matin, jusqu'à 2 heures de la journée ? Car il ne sera pas convenable que je m'en aille avant l'heure où j'aurai pu venir. Eh bien, causez, dites ce qu'il vous plaira. » Il resta quelques moments à chercher, après quoi il continua. « Vous avez là de jolis flambeaux, madame, mais je remarque sur ces étagères plusieurs choses du même genre, ces vases, ces flacons. Vous aimez donc beaucoup les Chinois, madame ?» Ce mot de Chinois est en possession de faire rire depuis des siècles. On ne sait pourquoi, mais prononcé d'une manière si pédante, à cette heure et dans la situation romanesque où se trouvait Malvina, ce mot était irrésistible. Elle ne put l'entendre sans rire. Tancrède, la voyant moins sévère, ajouta « Vous n'avez jamais réfléchi, madame, à cette préférence qui vous entraîne à votre insu vers le chinois ?»« Non, monsieur, répondit-elle, il fallait qu'un homme vînt à cette heure chez moi malgré moi. » Elle ne put achever et se mit à rire franchement. « Ah, vous vous moquez de moi, dit-elle, et vous avez raison. » Mais en disant cela, il se rapprocha d'elle et voulut lui prendre la main. Elle la retira vivement. « Non, laissez-moi, dit-elle, je vous en veux. Je ris parce que cette situation est ridicule et que vous me dites des folies. Mais sérieusement, votre conduite me fâche, et je regrette la confiance que j'avais en vous. » « Pauvre femme !» Ces paroles étaient une grande faute, car elles ramenaient la conversation et toutes les pensées vers l'amour. Quand on est fâché contre un homme qu'on aime, c'est une très grande faiblesse que de lui parler de ses torts. C'est risqué qu'il se justifie, et c'était une grande imprudence pour une si jeune femme que de s'exposer à écouter les excuses d'un si beau jeune homme à 2h30 du matin. Un pardon accordé à 7 heures est bien vite un crime pour tous deux. Hélas, il se justifia, par la seule excuse qui explique de semblables imprudences, par trop d'amour, et c'est bien une bonne excuse près d'une femme. Il demanda pardon si humblement qu'on n'osa plus lui en vouloir. Il était si malheureux d'avoir déplu qu'il fallut bien le consoler. Que vous dirais-je ? À peine quelques minutes s'écoulèrent, ni un changement notable s'était opéré dans le dialogue de ces gens, naguère si irrités l'un contre l'autre. La conversation était devenue plus en harmonie avec l'heure, le lieu et la situation des personnages. On n'avait plus besoin pour la soutenir de parler ministère, académie. Et il ne fut plus question une seule fois de l'élection de M. Scribe et de la démission de M. Guizot. Chapitre 17. Joie inconnue. Il est pour les femmes un moment de délire que l'être le plus aimé ignore et qui serait le plus beau secret de sa vie s'il pouvait le deviner. C'est l'heure de solitude qui suit une présence adorée. C'est l'instant où, rendue à elle-même par la suspension d'une félicité trop grande, l'âme s'épanouit et savoure avec enchantement une joie naguère trop puissante, presque pénible par son excès. C'est l'instant où la pensée timide s'élance, s'abandonne, se livre, où la passion s'exprime, où l'extase retrouve la voix. Alors la vie s'illumine, notre cœur s'enflamme de mille clartés comme un temple pour un triomphe. Il se part de toutes ses gloires, il brille comme pour une fête. C'est un triomphe que d'être aimé, et dans les transports de sa reconnaissance, il élève vers l'objet de son culte un Te Deum d'action de grâce, un hymne de bonheur et d'amour. Resté seul avec cette enivrante pensée, il m'aime. Ce moment est peut-être le plus doux moment pour une femme, chez qui la passion la plus vive est toujours voilée d'un nuage de timidité. C'est alors qu'elle aime, alors qu'elle ose aimer. Elle est seule, sans témoin, car celui qu'on chérit le plus est encore un témoin. En sa présence, l'âme est longtemps gênée. Son aspect nous jette dans un si grand trouble, sa voix nous fait tressaillir, son regard nous éblouit, sa pensée nous absorbe. Une émotion si violente est presque un tourment. Nous sommes alors la proie de notre bonheur, nous ne songeons pas à le savourer. Mais sitôt qu'un adieu passager nous délivre, notre âme magnétisée respire, elle s'exhale, elle retrouve sa volonté, elle se comprend, elle sait qu'elle aime, elle ne subit plus son amour, elle l'accepte, pour ainsi dire. Alors elle ose appeler le maître qui vient de la quitter, elle ose l'évoquer, elle le ramène par la pensée, elle le retient, elle lui parle. Elle lui confie toute sa folie, elle lui raconte son bonheur. Comme il n'est plus là que par un rêve, elle n'a plus peur de lui. Elle peut être franche, elle lui dit tout. Seule, elle a plus d'amour qu'en sa présence. Seule, elle est plus à lui que sur son cœur. Et Malvina se croyait seule. Quand il avait fallu se quitter, tremblante et d'un pas discret, elle avait conduit Tancrède dans une espèce d'antichambre où il devait passer le reste de la nuit. Tancrède y était resté quelques instants, mais il y a toujours des hasards comiques dans les pins romanesques aventures. Il arriva qu'un chien, un malheureux chien qui habitait une chambre voisine, sentit notre héros et s'alarma. Il se prit à aboyer sous prétexte qu'il était de bonne garde. Il aboya si fort, si obstinément, si fidèlement, que Tancrède comprit qu'il ne pouvait séjourner plus longtemps dans cet endroit, sans attirer l'attention de toute la maison. Car le don d'invisibilité ne protège pas contre la divination nasale du chien. Tancrède revint sur ses pas. Madame Télissier n'avait pas encore refermé les portes de l'appartement. La bougie qu'elle portait s'était éteinte, et cela l'avait retardée. Tancrède voulut d'abord lui parler, lui expliquer son danger. Mais il changea l'idée. Pourquoi l'inquiéter? Pensa-t-il. Et il rentra invisible dans la chambre de Malvina. Et Malvina se croyait seule, et il était là. Comme elle était émue, à peine pouvait-elle se soutenir. Elle s'appuya sur une table, puis elle passa sa main sur son front pour recueillir ses idées. Elle croyait rêver. Mais quand elle eut jeté les yeux autour d'elle, quand elle eut regardé la place où il était, encore parée de sa présence, elle comprit la vérité. Elle comprit qu'elle aimait, qu'elle venait de donner sa vie par amour. Alors elle pensa à lui, rien qu'à lui. Elle ne pense pas à ses enfants qu'elle adore, à son mari qu'elle respecte et qu'elle a trahi, à sa mère qui fut toujours irréprochable et qui la maudirait. Elle ne sait plus rien de sa vie passée. Elle a oublié sa naissance, son nom, sa jeunesse. Son existence ne date que d'une heure. Elle ne pourrait pas dire qui elle est. Elle a tout oublié, vous dis-je, et c'est son excuse. Elle aime. Ce mot puissant remplit tout son cœur. Demain, elle se ressouviendra. Demain, elle retrouvera des remords et des larmes. Ce soir, elle est aimée, et toute sa pensée est amour. Hélas, rien ne l'avait préparée à l'amour. Il l'a frappée comme la foudre, sans qu'elle pût songer à l'éviter. Une si violente passion dans un cœur si jeune et terrible. Malvina est trop faible pour avoir l'idée de combattre, trop franche pour n'être pas heureuse. Mais cette joie est mortelle, elle l'enivre, elle l'égare. Pauvre femme, dans sa joie elle fait pitié. Oui, mais à lui elle doit plaire. Pour lui elle est séduisante, ainsi. Quel délire, quelle fièvre, elle parle, il l'écoute. Que je l'aime, dit-elle d'une voix étouffée, qu'il est charmant, qu'il est beau, oh mon Dieu, comme je l'aime. Elle est folle, mais il la trouve sublime dans sa démence, lui. Il la contemple, il l'adore. Tout à coup, il la voit sourire, puis gracieuse, comme une enfant, rassemblée dans ses mains ses longs et noirs cheveux. Elle les regarde, elle se rappelle comme il les a baisés. Et folle, elle les baise et les admire. Elle admire ses bras, ses belles et blanches mains. Elle se souvient de ce qu'il a dit en les caressant. Elle se répète ses paroles si tendres, ses voluptueuses flatteries qui l'enivraient. Elle se réjouit d'être belle, elle s'enorgueillit d'elle-même, elle s'aime comme un souvenir. Une pensée la fait rougir, une autre l'attendrit, elle pleure, puis la joie plus vive revient. Elle l'appelle, lui qu'elle aime, elle dit son nom avec ivresse, elle lui révèle toute sa passion. Et pâle, tremblante, vaincue par une émotion si nouvelle, elle tombe à genoux, épuisée, fondant en larmes et souriant d'amour. Et lui est là, immobile, enivré. Il est là qu'il la regarde aimer. Longtemps il a respecté son délire pour mieux surprendre tant d'amour, mais bientôt cet amour l'entraîne. Malvina est si belle à genoux. Son courage l'abandonne, il va s'élancer auprès d'elle, la soutenir dans ses bras, la serrer sur son cœur. Adieu ses serments, adieu le mystère de la canne merveilleuse. Monsieur de Balzac, vous serez trahi. Malvina va savoir par quel prodige Tancred l'a suivi. Votre secret sera dévoilé. Monsieur de Balzac, tremblez donc. Mais non, vous êtes l'auteur de la physiologie du mariage, et vous conserverez tous vos droits. Comme Tancred, emporté par sa tendresse, allait révéler sa présence, des pas traînants se firent entendre dans le corridor. Malvina se lève, elle écoute. La clé tourne dans la serrure. La porte de la chambre s'ouvre. Monsieur Télissier, vêtu d'une robe de chambre à ramages, coiffé d'un bonnet de soie noire et tenant une veilleuse à la main, entre dans l'appartement de sa femme. Tancred, quoique invisible, recule, épouvanté. Malvina frémit, mais ce n'est pas le remords qui l'agite. Le remords, c'est déjà la raison. C'est de la force, un remords. C'est déjà une distraction dans l'amour, et l'amour dans son cœur est encore tout puissant. L'heure des remords n'est pas encore venue. L'aspect de son époux ne lui en donne même pas. Ce n'est point de la honte qu'elle éprouve à sa vue, c'est de la haine. Elle n'a pas peur de sa colère, elle a horreur de sa tendresse. Elle ne songe qu'à l'éviter. Elle s'indigne, toute son âme se révolte contre lui. Elle ne lui appartient plus. Elle est libre, elle s'est affranchie par la trahison. Ô misère, ses devoirs ont changé de maître. Sa fidélité est à celui qu'elle aime. L'homme qu'elle n'aime pas est son ennemi. Monsieur Télissier était loin de deviner ce qui se passait dans l'âme de sa femme. Il la croyait incapable d'éprouver la moindre passion. Il avait épousé Malvina si jeune qu'il la traitait toujours comme une enfant. Les gens qui nous ont vus naître ne nous connaissent jamais. Ils ne veulent pas comprendre que l'on grandisse. Ils nous regardent toujours avec leur prévention, et dans leur étonnement stupide, Ils appellent étranges changements de caractère les développements naturels que l'âge amène dans nos idées, dans nos défauts et dans nos sentiments. On ne peut pas imaginer qu'une femme qu'on a vue jouer à la poupée à l'âge de 6 ans puisse mourir d'un chagrin d'amour à 25 ans. Et pourtant cela s'est vu. Monsieur Télissier d'ailleurs ne comprenait rien aux délicatesses, disons mieux aux corruptions du cœur. C'était ce qu'on appelle un bon mari, facile à vivre, généreux. Mais professant sur les femmes les idées les moins romanesques, regardant une épouse, enfin, comme une servante légitime, faite pour élever les enfants et tenir le ménage, mais indigne d'occuper sérieusement les pensées d'un galant homme, ce qui ne l'empêchait pas toutefois de trouver Malvina fort jolie. « Te voilà levée aussi, Mina, » dit-il en voyant sa femme près de la cheminée. « Ce maudit chien t'a réveillée comme moi. » « Je suis malade, » reprit-elle d'une voix tremblante. « Malade, mon enfant, qu'as-tu donc? Veux-tu que j'aille chercher Villormet ?»« J'ai une fièvre horrible. Laissez-moi. »« Tu fais la méchante ce soir. » En disant ces mots, M. Télissier posait sa veilleuse sur une table et se préparait à aller fermer la porte qu'il avait laissée ouverte. « Ne fermez pas cette porte, » dit-elle, « j'ai besoin d'air, j'étouffe. » Tancrède était au supplice. Il voulut s'en aller, mais une curiosité cruelle le retint. « Je suis très souffrante, » dit Malvina avec impatience, voyant que son mari s'établissait dans sa chambre avec l'intention d'y rester. « J'ai besoin de me soigner. Allez, laissez-moi. »« Personne ne te soignera mieux que moi, Minette. » « Mais tu n'as pas l'air malade du tout, tu es rose, et si... »« J'ai la tête en feu, je souffre horriblement. »« Il faut te recoucher, relève tes cheveux et remets-toi au lit. »« Je ne veux pas, vous dis-je. Je me levais quand vous êtes venu. »« Mais qu'as-tu donc? Je ne te reconnais plus. »« Tu me dis vous comme un monsieur. Allons, ne fais pas la capricieuse, viens m'embrasser. » Malvina tressaillit. Un froid mortel courut dans ses veines. « Tu me boudes ?» reprit M. Télissier. Eh bien, je ne suis pas fier. J'irai moi-même. M. Télissier, à ces mots, s'avança vers sa femme. Elle voulut s'éloigner. Il la retint. Voyons, dit-il en passant sa main sur le front de Malvina, voyons si cette petite tête est bien brûlante. Il lui donna sur le front un affreux baiser. Ce baiser retentit au cœur de Tancrède comme un coup de fusil. Il s'élança vers la porte et s'enfuit. Ô désenchantement! Ce baiser avait réveillé Malvina de sa stupeur, un si grand danger la rendit perfide. Elle se radoucit tout à coup, et d'un ton presque gracieux. « Je t'en prie, dit-elle, laisse-moi, va. Je t'appellerai si je suis plus souffrante, mais va. Si je peux dormir, demain je serai mieux. » Le bon monsieur Télissier céda aux instances de sa femme, il avait un peu froid, et il ne fut pas fâché d'aller se recoucher. Malvina seule pleura tout le reste de la nuit, la pauvre femme. Elle pleure encore, car l'ingrat Tancrède n'est jamais revenu. Le coup qu'il avait reçu était si fort qu'il avait tué son amour. Malvina lui apparaissait toujours dans les bras de son mari. Il ne pouvait se délivrer de cette image, de tous ses souvenirs. Celui-là seul était resté. Quelquefois il se disait « D'où vient donc ce dégoût ? Je le savais bien pourtant, oui. » Mais je ne l'avais pas vu. Ô maudite canne, s'écria-t-il dans sa fureur, est-ce là le bonheur que je devais attendre de toi? C'était bien la peine de me faire invisible pour... Malheureux, je l'aimais tant. Je ne l'aimerais encore sans ce don fatal. Quelle leçon! Pourquoi s'étonnait-il? C'est la vie. Entrevoir ce qui charmait notre âme et nos yeux sous un jour défavorable, n'est-ce pas ce qu'on appelle... connaître, découvrir qu'on avait tort d'aimer, de croire et d'espérer, n'est-ce pas ce qu'on appelle savoir? Et il y a des gens qui se donnent beaucoup de peine pour en arriver là. Si l'on faisait une nouvelle mythologie, nous exigerions que l'amour fût, non pas fils de la beauté, mais de l'ignorance. Et que dis-je? C'est la morale des malheurs de Psyché, tant punis pour avoir voulu savoir qui elle aimait. Tancrède prit dès ce jour une résolution terrible. « Je n'aimerai plus que des veuves ou des jeunes filles, » se dit-il. « C'est la femme libre qu'il me faut. » Et comme un apôtre de M. de Saint-Simon, il se mit à la recherche de la femme libre.